Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Fred, c'est samedi, c'est l'heure du Dr Disco et de Mr Funk. La journée s'est bien passée? Super, on va démarrer sur la découverte. Aujourd'hui, je vous propose James Ingram et son titre Yamo Bizarre. Je parie que vous allez dire « Je connais » dès l'écoute. James Ingram commence sa carrière musicale en tant que membre du groupe Revelation Funk. Il a aussi écrit le titre « P.I.T. » avec Quincy Jones pour Michael Jackson. Il a participé à USA for Africa. Du tout bon, quoi. Il nous a quittés en 2019. Faites-vous plaisir. We'll be right back. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. On enchaîne sur les 100 hits et celui-là est plus proche de nous. L'Italo Disco a largement contribué à la diffusion du disco. On peut citer des chanteuses comme Spania, Laura Branigan ou Sabrina. En 1993, une équipe s'est réunie autour du producteur Francesco Bontempi et produit The Rhythm of the Night pour Corona, l'un des plus gros hits de l'année, tout style confondu. Alors comme il arrive quelquefois, la production a recours à un subterfuge commercial qui consiste à faire enregistrer la chanson par une chanteuse confirmée, issue souvent du gospel ou de la soul, et de choisir une danseuse et un mannequin pour représenter le groupe. C'est Giovanna Bersola qui pose sa voix en studio, et pour l'image du groupe, c'est Olga Souza. La chanson célèbre le rythme de la nuit, celui qui fait danser les clubbers depuis l'apparition du disco. Certes, les sonorités ont changé, mais la finalité reste la même. Dans l'album, quelques détails trahissent la filiation. On y retrouve une reprise de I Gotta Keep Dancing de Kerry Lucas, I Don't Wanna Be a Star, un titre plus qu'inspiré par Can't Fade the Feeling de Geraldine Hunt, ou des chansons intitulées I Want Your Love ou Get Up and Boogie, un hommage au hit disco de Chic et Freddie James. The Rhythm of the Night demeure un morceau culte et représentatif de cette époque. C'était en 1993. This is the rhythm of the night. Bon, celle-là, elle était pour toi, Jean-Loup, en souvenir de nos soirées des années 90. Alors voici venu le moment de notre rubrique La Reprise. On va s'attaquer à No Woman, No Cry de Bob Marley. Sorti à l'origine en 1974 sur l'album Native Dread, la version la plus connue sera celle interprétée en live et sortie sur l'album, ben justement, Live, en 1975. Le titre provient d'une expression jamaïcaine qui signifie « femme, ne pleure pas ». La chanson est en partie inspirée de l'époque où Bob passait son temps dans sa cour avec sa femme Rita. Bonnie M décide de la reprendre et la met en face B en 1976 pour du 45 tours « Daddy Cool ». Faut remettre dans l'ordre. Allez, ne pleurez pas durant l'écoute. No woman to cry.

Dr Disco et Mr Funk sur Fat Jam. C'est l'heure de la pépite. J'ai choisi un titre de Village People extrait de leur album Macho Man, sorti en 1978. Il s'appelle Sodom and Gomorrah. Vous l'aurez reconnu, c'est clairement une référence à un épisode biblique connu. Rythme, super morceau festif, bon ben pas l'un de leurs plus connus, mais moi j'aime bien vous faire écouter des petites pépites comme ça. Bon voyage vers le passé. Final Tout fini comme Sodome et Gomorre. Je vous dis bonne soirée, bonne semaine et à samedi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye.